إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كما اتفقنا عليه on va prendre مراجعه ان شاء الله des 10 derniers ou 10 premiers plutôt أبواب du kitab يعني على وجه الاختصار فقط histoire de affermir les معلومات طيب ما هو الباب الأول طيب c'est le droit d'Allah sur les ibad et le haq des ibad sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est le droit d'Allah sur les ibad? Naam. Wa ma haqul al-ibad ya Allah? C'est quoi le haq des ibad sur Allah? Man la yushriku bi shay'an. Ahsanta. Et est-ce que le kafir on dit que c'est un abd? و عبد الله نعم لان في اصطلاحات اقسام العبوديه ايوه و في العبوديه العامه ويدخل في فيها الكافر نعم العبوديه 3 sortes العامه dans laquelle rentre le kafir وعبوديه الخاصه celle qui est celle des mu'minine وخاصه الخاصه celle qui est des anbiya Là, on parle des mukallafines, parce que les malaïkas aussi rentrent dedans. Hel yajouz, est-il permis de prendre quelqu'un et de le particularisé par la science autre que d'affirmer une chose à une personne et pas à d'autres comme le hadith dans ce hadith il a dit que le chirouganas il a dit non parce que c'est vrai il a cité Allah on se base à Takilou ça veut dire qu'il peut le dire à Mouad mais il peut ne pas le dire aux autres non wal babu athani ma hu فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ومن يكفر الذنوب من التوحيد سكي سبيك ان بيشي اخذنا في ذلك ان المؤمن الموحد يدخل في الجنة يا في كل عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امن وهم مهتدون الظلم معنى الشرك Mais c'est quoi le dalil que à la zulm dans la shirk Comment on sait C'est devant. Inna shirk al-zulm al-azim. Inna shirk al-zulm al-azim. C'est la sunna qui est venue éclaircir qu'ici, sans des zulm, c'est shirk. Et c'est quoi le sens de lam yalbisu wa imanahum bi zulm Qu'ils ne se fassent pas d'injustice Là. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ah oui c'est quoi yalbisu dans le sens qu'ils n'entachent pas leur croyance leur iman avec du zulm avec du shirk c'est-à-dire qu'ils ont fait du shirk quoi طيب احسنت هل الذي يرتكب يعني في بلن معاصي بلن معاصي يستمر عليها يتشو يفول يبول الكول يفورنيك يكوت دو لا موزيك اي يدي لا اله الا الله يفي بلن بيشي Et il ne fait pas d'acte. Il dit, moi je crois que Mohammed, c'est le messager d'Allah et son serviteur. Je crois que Isa, c'est le messager d'Allah et son serviteur. Je crois au feu, je crois au Jannah. Et je dis, la ilaha illallah. Côté soleil, il fait plein de péchés et il n'applique pas les wajibat. Elle est trop le Jannah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a ces choses-là, que Allah lui a interdit le feu. Il fait quand même pas le salat, etc. Là, il ne fait pas les wajibat. Il ne fait rien. Il ne fait pas les wajibat. Il atteste de la ilaha illallah, la sharika là. لا تدخل الجنة لماذا؟ يعني لابد بالعمل هذا التوحيد لابد بالمقتضى يعني لابد أن يعمل بهذا التوحيد وحقق التوحيد. أيوة ذاك التوحيد لا إله إلا الله له شروط ومثل الشروط الانقياد. لا إله إلا الله يستلزم منه العمل les œuvres. Le simple fait de le prononcer ne suffit pas. Et celui, mathalène, par contre, qui ne commet pas d'acte qui annule son islam, mais qui commet un tas de péchés, mais qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Yamut, ala la ilaha illallah, mukhlisan. Aina masiruhu, où est-ce qu'il finit? Il se peut que Allah le châtie un temps au nar pour faire ses fautes. Et c'est pas qu'il lui pardonne directement. A savoir que le nar dans lequel est châtié le mu'min, ce n'est pas le même nar dans lequel est châtié le kafir. Les na'hum, les sousawa, ils ne sont pas égaux. Le kafir, azabu ashad. Le kafir, azabu ashad. Et kazalik, les mu'minoun qui sont châtiés, leur châtiment n'est pas égal. Cela dépend des péchés qu'ils auront commis, bien évidemment. Taïeb, de quelle façon al-bab al-thalith من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا بلا حساب بلا حساب ولا عذاب ولا عذاب sans compte ni le châtiment. Mamana el Hanif. Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku min al mushrikin. Ma ma'na hanifa? Hanifiyata an ta'bud Allah mukhlishan lahu ad-din. Hada al-hanifiyya. Laysa alladhi akhadhna an ta'rif. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن ما سوى celui qui se consacre à Allah se détourne de tout ce qui est en dehors de lui bien évidemment qui évite toute forme de péché طيب et c'est quoi le pilier du tahqiq du tawhid le point principal de ce bab Mahou la tahqiq al-tawhid il y en a toutes les dillahs qui sont basées dans ce bab c'est quoi le point principal sur lequel tout se base. هذا منه. لكن après le hadith qui vient par la suite, يجمع على أشياء وكلها ترجع إلى شيء واحد. Toutes ces choses dans le hadith de Ibn Abbas, 70 000, tout cela est basé sur un point principal. Mahou. Tawakkul. Non, mais tawakkul. En fait, le shahid du hadith, c'est qu'il place leur tawakkul dans la réserve. Non. Et eux, ils rentrent. توكل ما هو التوكل؟ نسيت؟ والصدق الاعتماد بالقلب على الله والأخذ بالأسباب. Le fait de reposer son cœur sincèrement sur Allah, mais en prenant les causes. Les causes permises. Ouais, le bab rabi'. Le khouf min ash-shirk. Naam, le khouf min ash-shirk. Limada doit-on avoir peur du shirk? Il y a هذا الشرك يقتل التوحيد. Yani يقتل نعم يقتل التوحيد. هذا الشرك سبب دخول النار خالدين. والشرك على قسمين ما هما؟ الشرك الأصغر والأكبر. نعم الأكبر والأصغر. C'est quoi la différence entre les deux؟ الأصغر يبطل العمل. والأصغر يناقص الإيمان لكن لا يبطل. تعني الأكبر يبطل العمل. نعم الأكبر يبطل العمل والأصغر يعني يناقص الإيمان. أيوة الأكبر il annule les œuvres, il fait sortir de la umma, il rend le dam والمال حلال ويخالد صاحبه في النار. Celui qui fait du shirk akbar il finira au feu éternellement s'il meurt dessus en tawba. Le asar là. Le asar là. Wa ma huwa ash-shirk al-asghar alladhi dhukira fi al-hadith fi hadha al-bab. C'est quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la chose dont il a le plus peur pour nous. Ria. Et celui qui fait du ria. Yani ses œuvres sont annulées. La boute bi tafsir. Ida aslan hadha al-amal. Si l'asal l'œuvre que tu fais elle est pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ça ce ria là c'est du shirk akbar. Si par contre au début t'es mukhlis dans une ibada et que shaitan est waswas et que toi tu veux repousser et que toi tu repousses, c'est du shirk asghar. C'est pas c'est du shirk asghar. Je crois que j'ai pas répondu à la question. C'est pas la question. T'as répondu, mais t'as pas pris le bon ordre. La question c'est, est-ce que celui qui fait du RIA, ses œuvres sont annulées? Non. Cette œuvre-là, oui, elle est annulée. L'œuvre dans laquelle il a fait du RIA, elle est annulée, et il y a un tafsil dedans. Ça concerne que l'œuvre dans laquelle il y a du RIA, et non pas toutes les œuvres. Non. Et s'il repousse le RIA en pleine action? Inch'Allah, son œuvre est acceptée. Non. Et celui qui fait du ria, il adore les gens? Non, bah lui, c'est un mouchrik. C'est une question. Est-ce que les cris du Riya, Ya'boud al-Nas? Ah, il y a une part de sa ibada qui est pour les gens, mais sa ibada à la base, elle est pour Allah. C'est quoi qu'il attend des gens? Qu'il le félicite ou qu'il parle bien de lui, etc. Naam. Rida. Al-Thana. Ahsan. Wa al-Khamis. Al-Khamis, bab da'a, hada, du'a. Du'a ila shahadati. Anna ilaha illallah. Naam. Le fait d'y appeler à toutes ces. À cette attestation, tous ces points précédents, il faut y appeler. Ou hal alladhi yani qui appelle au haq, mais par ce haq, cherche une autorité, cherche autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on dit que c'est un da'i d'Allah? Il fait da'wa. Imam masjid, il fait des durous. Il fait des dawrat. Il fait des durous, il écrit des livres. Il fait des khutab. Il fait des nasaïh. Ghayr dhalika. Mais par tout cela, il cherche et il appelle à la vérité. Il appelle, par exemple, min al-shalafi, la sunna, au tawhid. Tamam. Mais lui, par sa da'wa, il a des intérêts derrière à tirer. Est-ce qu'on dit que c'est un da'i ila Allah? Je sais qu'on avait vu que les chourous c'était l'ikhlas wal ilm. Il n'est pas mukhlis. C'est pas un da'i d'Allah. C'est un da'i. Il est nafsi, ou il est maslahatin, ou il est malin, ou il est zalika. Ama il Allah, là. Celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cherche par cela que rida Allah fi ma yaf'al, ou ma yakul. Pour la da'wa, yani, hel ay wahid yakum bi hadha ashan, n'importe qui peut entreprendre cela. C'est la durée sur une chose. Basira. Kul hadi sabili adu ila Allah, ara basira, ana wa min taba'an, subhanallah, wa ma ana min mushrikin. Il faut qu'il ait de la clairvoyance, c'est-à-dire de la science. On ne dit pas qu'il faut qu'il ait toutes les sciences, mais dans ce quoi il parle, il faut qu'il ait la science. Et une fois, j'avais interrogé Cheikh Abou Bilal par rapport à ça. Il a dit, c'est pas l'azim que quelqu'un étudie auprès des machères pour qu'il ait compris des masaïl. C'est pour que des fois, avec des audios, qu'il a écouté, qu'il ait une bonne compréhension, qu'il ait acquis certaines bases. Et lui, personne ne peut l'empêcher de retransmettre ce qu'il a appris et ce qu'il a compris. Mais Béchart, qui s'arrête à ce qu'il connaît, il ne dépasse pas les limites. Il ne rentre pas dans ce qu'il ne maîtrise pas. Et surtout, il reste modeste dans ce qu'il fait. Il ne se dit pas comme il a compris une masala, il pense qu'il a compris toutes les masaïl. Il se limite à enseigner ce qu'il a compris. Sans rajouter. Quand même, car c'est là que le façade y rentre. Quand la personne ne connaît plus sa valeur et se voit plus haute qu'elle ne l'est, ça amène à des problèmes. Et il a même dit comme Feïdat à des gens qui ne sont pas partis étudier et qui ont une meilleure compréhension que des gens qui sont partis étudier. Des frères ont eu plus de stifada en prenant dans certains kutub, écoutant des audios de gens de référence, que certains qui sont partis pendant des années, qui ont été même auprès de ulama, et qui en réalité n'ont pas appris grand-chose, ou peut-être même qui ont dévié. Donc ce qui est conditionné dans cette da'wa, c'est d'appeler, d'accord, dans les limites de tes connaissances. Wa billati ahsan. Naam. C'est quoi la première chose à laquelle on appelle un kafir? À ce qu'ils reconnaissent Allah seul comme étant celui qui mérite adoration. Naam. Est-ce que toute personne qui désire une chose et s'efforce de l'avoir, est-ce que c'est lui qui l'obtiendra? Ah là, c'est le hadith avec le drapeau, ça. Là. Comme quand tout le monde, quand le Sahaba, il voulait avoir le drapeau que David Sassalim allait leur donner, et que je me souviens, Ali ibn Abi Talib, il avait un mal dans ses yeux, il n'y a même pas pensé, sûrement. Je ne sais même pas s'il était au courant, mais c'est à lui qui a remis le drapeau. Non. Que c'est Allah qui décide. Ça, c'est le qadar. Maintenant, on ne dit pas que tes œuvres, tes efforts fournis ont été vains. La alaka ujirta alayha ou rezalika. Mais la chose que tu as voulu obtenir, il se peut que Allah l'ait décrété pour quelqu'un d'autre que toi. Qui, ça se trouve, lui n'a même pas essayé ou n'y a même pas pensé. Et celui à qui cela arrive, qu'il l'accepte au décret d'Allah. Il n'y a pas de se révolte, il se met en colère. Non. والباب السادس تفسير التوحيد و لا اله الا الله. نعم. كي هي الاكسبيكاسيون دو التوحيد و دو لا شهاده. Celui qui dit la ilaha illallah, qui adore Allah seul, c'est pas de shirk, tamam. Mais de l'autre côté, ne voit pas la fausseté de ceux qui ne sont pas sur l'islam et qui eux-mêmes font du shirk. Est-ce que son la ilaha illallah est valide? نعم وهذا هو الشرط الثامن وهو الكفران بما عبد من دون الله في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قصد إبراهيم الذي قال son père et à son peuple je suis innocent de ce que vous adorez hormis celui qui m'a créé. يعني في هذه الآية نجد لا إله إلا الله أين؟ إثبات أولا النفي. النفي نيجاسيون. إنني براء مما تعبدون هذا النفي. هذا لا نيجاسيون نعم شو إنوسون. إلا الذي فطرني هذا الإثبات. نعم هذا هو. هل تذكر أقسام المحبة؟ L'amour qu'on a pris. Mahabbatullah. Mahabbatullah, c'est quoi ce hukm? Il y a le tawhid. Naam. Wal mahabba tabi'iyya, avec les parents et la famille naturelle. Et c'est là plutôt la mahabba lillah, yani هي التي لله كم الولا والبراء. نعم هذه ما حكمها؟ واجب كذلك. نعم عليه من كمال الإيمان. والذي يحب غير الله كمحبة الله ما حكمه؟ كافر. نعم كاستمون كبو الله في كل عبادة. الباب السابع من الشرك ما جاء تسا ايوه باب من الشرك جاء هو لبس لبس لبس لبس لبس الحلقه و الخيط خيط الحلقه avoir des en anneau ou c'est pas un collier fil un fil ouais. Ça, c'est haram. Okay. Comment c'est le shirk? Quelqu'un vient demain et porte un anneau, c'est un mouchirk? Non, il y a un taqid. T'as pas fini le titre. C'est là où je voulais en venir. Porter un anneau et un fil, pourquoi? Ça, c'est shahid. Demain, quelqu'un porte un fil, عادي ما في problème. لا لي لي كرويونس يعني اعتقاد كذا هذا ينفع. هذا دون عنوان كي بور سولا ان فيو دو ريبوسي لو مال تمام او alors de le supprimer si jamais il est déjà atteint. شرط مهم كان بورت ان انو وان فيل على باز ما في شيء. Maintenant c'est le fait qu'il porte cela avec une croyance que ces objets ont une faculté protectrice. Non. Donc elle, kulluman yataqi dhalik mushrikun. Toute personne qui a cette croyance là, c'est un mushrik. Alors demain il y en a, il prend un trèfle à quatre feuilles et il dit ce trèfle à quatre feuilles va m'apporter du bien. On porte des bonheurs. Il d'ailleurs ça fait là là le trèfle là l'inefsi. Et ben il va lui apporter quelque chose, là c'est un mouchetouk. Un échec akbar. Akbar, s'il pense quelque chose en elle-même t'apporte un bien ou repousse un mal, c'est l'échec akbar. Naam. S'il pense que cette chose-là ça va lui apporter un bien par le bi'idhnillah, ben ça c'est du échec asra. C'est du asra, naam. S'il pense que la chose n'est qu'une cause, mais que cette cause, c'est Allah qui l'a légiféré. Et les causes sont de deux catégories, ma ou ma. Alors, c'est l'asbab. Sharia ou kouniya. Sharia ou kouniya. Et c'est quoi les chouloutes de kouniya? Kouniya, il faut que ce soit expérimenté. Pour que ce soit, pas qu'on dise que tu fais du shirk. Que ce soit quelque chose qui a été expérimenté et que tu es sûr à 100% que cette chose-là, c'est sûr que tu as vérifié. C'est pas tu inventes un truc. C'est une chose qui est connue, dont l'effet est instantané et constaté et qui est en lien avec le mal par lequel tu as été touché. Donc demain, quelqu'un il vient, il a mal quelque part, au pied, mathalan. Et il dit, il faut que je boive la phalène, trois verres d'eau de mer pour être guéri. Qu'est-ce que tu lui dis? Il dit, mais je bois trois verres d'eau de mer, je serai guéri. Guilou de mer, elle a des vertus médicinales. Tu lui dis, ouais. Tu lui dis, c'est quoi, qui rapporte que cela a eu des effets bénéfiques? Est-ce que tu as déjà entendu des choses qui prouvent que cela est vrai? Tu te dis non, mais chez Claude de mer, c'est bien. Il dit, moi, je suis sûr que Claude de mer va m'aider. J'ai mal au petit orteil, je vais boire trois verres d'eau de mer. Trois, il te dit bien trois. Tu lui dis, comme on l'a dit là, et tu lui dis, et tu penses que l'eau de mer te guérit d'elle-même ou c'est Allah qui va te guérir? S'il te dit, c'est Allah qui va me guérir. Mais par le biais de cette eau de mer, il va me guérir. Tu lui dis, si cette eau de mer là, ce remède a été essayé, qu'il est réel et bénéfique, affiché, fadol. Si jamais c'est une chose qui n'est pas connue pour cela, tu as pour croyance qu'elle va te guérir par le. Tu en as fait une cause alors qu'Allah n'en a pas fait une cause, et que ça n'a rien à voir avec ton mal, tu dis. Attention, c'est du chic asrar, cela. Tu l'avertis. Le fait de rendre un remède qui n'en est pas un, kohoni, ça rend dans le chic asrar et akbar également. Tamam. Al-Famin. Min al-Shirk. Al-Ruqa. Wat-Tama'in. C'est avec le même. Ton titre, il n'est pas correct. T'as dit mine shirk, al-ruqa wa tama'in. Là, ruqa, c'est pas mine shirk. D'ailleurs, il a fait exprès de ne pas mettre mine shirk par rapport à ce point-là. Ruqa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait faire ruqa par Jibril. Elle nous a pris faire ruqa également. Donc, c'est maja fi ruqa. C'est-à-dire à propos de ruqa, pas même de tama'im. Pour dire quoi? Que ça peut être du shirk, ou ça peut être permis, ça dépend de ta croyance. Ah, c'est pas tout le roquet qui est shirk. n'est pas tout le cas qui légifère également. Et c'est quoi les chouroutes de la ruqya? Que ce soit fait avec des alphas, c'est avec des maranis qui sont connus, charis qui ne s'opposent pas avec le charira, que la personne n'a pas une croyance que cette ruqya bisselabiha tenfer. Binefsiha. Binefsiha tenfer. Le deuxième, ça ressemble au premier, je crois. Tu les as mélangés ensemble, en fait. Ouais, ça, les deux, ils vont... C'est qu'ils soient dans une langue compréhensible. Et deuxième, qui n'est pas le terme qui s'oppose à la charia. Et troisième, qui n'est pas pour croyance que cette ruqya en elle-même le guérira. Wa tamaim de Coran. Yajouz ou mayajouz? Mayajouz. Mayajouz. Limada. Khilaf, lakin mayajouz. Le Coran, c'est kalam Allah. Lakin ma... Ma anzala bi... ما في أدلة. ça peut être une bid'a également. Et ça rentre dans les Adilla Am des Tamaim, de toute façon. طيب. التاسع. L'avant-dernier. Non, tabarruk, c'est ça. Le tabarruk, les chajara, ou l'ashjar, ou l'ahouya. Chercher la baraka auprès des arbres ou autres. Ma hukm zalik. Ala shirk. Si, oui, dans le chajar, dans le Ahzab, c'est du shirk. Après, il y a un tafsir par rapport aux choses que Nabi Sallam il a. Il y a un ça revient même tafsir qu'il est connu après avant. La baraka, min Allah. C'est même tafsir que les tama'im, que ruqya, ou que hilaq, ou que le khiyat pour le mal. Si tu penses que cette baraka, cette chose par laquelle tu fais tabarruk, t'apporte baraka en elle-même, même c'est le chèque Akbar. Et si tu dis que c'est Allah qui en a fait une cause de baraka alors que ce n'est pas le cas, c'est le chèque Asghar. Tabarruk, il est basé sur un dalil. Les choses dont on tient la baraka, c'est on a besoin d'un dalil pour les faire. Tu m'as dit aussi par rapport à la main ici qui a un tafsir par rapport comme la Kaaba, etc. C'est une bida, non? Ça, Adaché Khalid. Là, je parlais de Hukm Am. Même ces choses-là, si jamais tu crois qu'elles ont une baraka pour elles-mêmes, ça rend un chèque Akbar. Et la baraka, ma hiya? Talab al-khayr, la. C'est le tabarruk. Al-kathat al-khayr, wa thubutuhu, wa istimraruhu. Naam. والعاشر عاشر ما جاء ومن الشرك الذبح لغير الله ما جاء في الذبح لغير الله ce qui est venu par rapport au fait de sacrifier pour Allah وما حكم الذبح لغير الله الشرك كفر أكبر بلا il n'y a pas de tafsir c'est الشرك أكبر parce qu'il y a un tardim Donc quelqu'un demain il vient, il égorge un mouton pour le vendre, pour vendre de la viande, c'est un mouchérik. Ça dépend. Il n'a pas fait une ibada. Quelqu'un a vu dans son un frère qui vient de voyage, et il égorge un animal pour l'honorer. Ah mais il a dit une ibada là-dessus. Attention, c'est pas pareil. Donc quelqu'un qui ne dit pas le nom d'Allah, c'est un mouchrik ? Là. Alors comment on réunit entre tes aquel ? Attends, je vais réfléchir. Quelqu'un qui vient, il égorge, il ne dit pas bismillah. Il a fait du shirk ? Ah mais c'est un muslim. Ma question c'est quelqu'un il vient, il prend un animal, il égorge, il ne dit pas bismillah. Est-ce que c'est un mouchrik ? Là. C'est pas un mouchrik. La tasmiya, c'est un short dans sihat pour manger. Pour la rendre la viande halal. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas dit Bismillah, ce n'est pas forcément un mouchrik. Ça revient à sa niya. Parce qu'il l'a égorgé, c'est l'égorgé dans son cœur. Il a voulu faire un ta'zim pour autre que Allah, par cet égorgement-là. Qu'il ait dit Bismillah ou pas, c'est un mouchrik. Et celui qui a fait cela pour une niya, qui n'était pas une ibada, pour inviter quelqu'un, même s'il n'a pas dit, même s'il dit Bismillah, même s'il dit pas Bismillah, je veux dire, c'est pas un mouchrik. Car son cause, quand il l'a fait, il a égorgé cette viande, pas en but de s'approcher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la viande en elle-même, mais pour Ikram al-Daif. C'est pas comme quelqu'un qui veut dire je vais égorger pour Allah, dans le sens pour, en vue de reconnaissance envers Allah, pour lui, j'égorge. Non. Quelqu'un demain, il vient, comme je t'expliquais, il y a un daif qui vient chez lui. Il veut donner de la viande. Comment il fait? De l'égorger. Ça n'y est à lui, c'est Ikram al-Daif. C'est pas un dhabh, t'as qu'un rouban in Allah qui fait. Lui, quand il égorge, il va dire Bismillah pour son halal. Mais son but à lui, quand il égorge, c'est pas sacrifier, quand même, pour s'approcher d'Allah. De donner de ses biens en but de remerciement vers Allah. Non, s'il veut manger cette viande-là, il est obligé de l'égorger Bismillah, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son but, c'est d'honorer son voisin ou son invité. Parce que là, quand tu l'égorges pour Allah, tu n'as pas à manger après. Si, tu en as mangé. Mais ton but à toi, à la base, c'est pas manger, c'est l'égorger pour Allah. Ta ibada, c'est de faire un dhabh pour Allah. Et là, après, il se peut que tu vas donner à quelqu'un la viande. Toi, tu es récompensé pour quoi? Pour avoir, quand tu as pris ton animal, tu t'es dit, je fais ça pour Allah, pour manger dans la souffrance, c'est-à-dire je prends de mes biens, c'est comme une forme de waqf pour Allah que je fais. L'autre, à la base, il l'a fait pour ça. L'autre, il l'a fait pour Ikram al-Zaif. Mais pour qu'il puisse honorer son Zaif et manger cette viande-là, il faut qu'il l'égorge au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu peux avoir un. Faire un dhabh. Tamam. Faire un dhabh pour que cette viande, tu puisses la manger, il faut que tu aies tout samillah alayha. Tu nommes le nom d'Allah ce matin là-dessus. Mais tu n'es pas obligé d'avoir cette niya de ta'zim que tu l'as comme pour quelqu'un qui fait un dhabh pour Allah en soi. Pas pour. Il n'y a pas de cause en dehors de cela. Non, mais celui-là qui fait. Ah oui, donc ça, comme tu as dit, ça dépend de la niya. Ça dépend de la niya. Si celui-là qui fait les règles là, c'est forcément un kafir. Si je veux dire, il fait un tardim pour quelqu'un d'autre. Il fait pas de tardim. Un mouchrik qui fait un tardim pour quelqu'un d'autre, par exemple. Mais demain, quelqu'un peut faire un. Comme le shiri l'a expliqué, quand quelqu'un il prend de la viande, il veut la vendre, un boucher. Il n'y a pas de tardim. Il dégorge de la viande pour pouvoir la vendre. C'est pas une ibada qu'il fait. Mais pour qu'elle soit halal, il faut qu'il nomme Allah dessus. Ah oui, d'accord, mais quand c'est du shirk, c'est pas un tardim pour quelqu'un d'autre. Ah, ouais. Même s'il dit Bismillah. Non. Hein? Bien confondre tardim et tasmiya. Ce n'est pas toute personne qui a dit Bismillah qu'on fait forcément un tardim. Et ce n'est pas toute personne qui n'aura pas dit nom d'Allah qui aura fait du shirk. Quelqu'un peut avoir oublié. Il a pris son animal, il a oublié de dire Bismillah. Il n'a pas fait du shirk, il a oublié de le dire. Ouais, ou il ne savait pas. Ça vient juste, on ne mange pas, mais on n'a pas dit qu'il a fait du shirk. Et d'autres personnes, ils vont peut-être prendre une viande, ils vont la ramener vers le cobre du wali, il va dire Bismillah. Et dans son cœur, il veut faire plaisir au wali, s'approcher de lui, du wali, pour qu'il intercède pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Bismillah. Mais demain, tu le vois, il égorge, il dit Bismi Isa. Mathalan. Après, il y a un khilaf, il y en a qui disent que c'est un kitabi qu'il a fait Bismi Isa. Il y en a qui disent que c'est un viande, tu la manges, mais ce qu'on dit, il est marjour, il n'est pas authentique. Donc maintenant, il faut faire une différence entre le zab qui est karoubi l'Allah, celui dans lequel il y a un ta'zim, et le zab pour une autre cause qui est comme le fait de vouloir manger de la viande seulement en soi, ou honorer ou la vendre. C'est pas pareil. Quelqu'un qui vient, qui est bouché, parce qu'il égorge son animal, n'est pas comme quelqu'un qui dit tiens, je vais faire un zab lillah. C'est pas pareil, là, on y a tous les deux. Donc tous les deux, quand ils font cela, quand ils disent bismillah, ils ont niya. Mais il n'est pas pareil, il y en a, c'est vraiment une niya la plus grande. Il fait ça pour Allah en soi, il n'aurait pas eu ça, il ne l'aurait pas fait. Et l'autre, il n'aurait pas eu un besoin de faire tijara, il n'aurait pas égorgé non plus. Bien différencié. Donc il y en a un, il a égorgé, son but, ce n'était pas de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était d'honorer son invité. Mais pour ça, pour que ça ne soit halal, il doit faire la tasmiya. Il doit être sincère quand il l'a fait. Et t'as quelqu'un qui vient, il prend sa viande pour le Eid, pour l'égorger, quand même, lui va faire un tarzim pour Allah, parce que c'est une chose que Allah lui a demandé de faire. Pour lui à ce moment-là. Tel jour, à telle occasion. Ou en dehors de cela, demain, je sais pas moi, il lui arrivait une chose, il va remercier Allah. Un bienfait. Je ne parle pas d'un ordre. Il était malade, mathalan, et Allah il a guéri. Il est tellement heureux, je vais égorger pour Allah une jambe. Il a un troupeau, je vais égorger pour Allah un chameau. Après, je donne sadaqa aux gens. Lui, ça veut dire, à la base, c'est pas la sadaqa. C'est pas la manger. C'est faire un dhabh lillah. C'est ça, samia. Même ta hala Taïb. Lui, le aura un ta'zim. Il fait ça vraiment mahabbatan lillah, takaruban ilallah. Et t'en as un autre, il se dit, j'ai pas beaucoup d'argent, il a un troupeau de chameaux, il dit, je vais vendre un peu de viande demain matin. Histoire d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire kada, kada, kada. Il prend un chameau et l'égorge, je dis bismillah. Est-ce que les deux sont pareils? Non. L'autre lui aura donné une récompense immense. L'autre, il n'aura pas de récompense. Il aura la récompense qu'il ait dit bismillah. Mais à la base, ce qui fait son acte, c'est un acte qui est moubah, qui est permis. Ce n'est pas un ibadah en soi. Mais il est obligé d'avoir une niya. Pour que sa viande soit halal. Parce que le zeb, pour rendre, ce n'est pas un ibadah. Là, ce n'est pas un ibadah. C'est un zeb qui est moubah. C'est comme quelqu'un demain qui veut inviter un invité. C'est un ibadah qui fait d'honorer l'invité. Il le fait pour Allah. Mais le zeb qu'il a fait, ce n'était pas takruban in Allah. Et il aurait pu dire, tiens, mon invité, je lui donnais, je sais pas moi, du poisson. Mathalan. Mais lui, il voulait faire plaisir. Allez, machallah, il me voyage. Du lahm, je vais passer du lahm, du bon lahm, machallah, mabarak. Du bœuf. C'est quoi ça, Nia? Il dit, pour Allah, je vais honorer mon daif. C'est une ibadah qu'il va faire. Mais sa ibadah n'est pas le zab en soi. C'est ikram al daif. Il aurait pu le faire pour autre chose. Mais il a voulu prendre une chose qui va faire plaisir à son daif. Il sait que son daif, il aime beaucoup la viande de vache. Il dit, allez, on va égorger une vache pour lui. Longtemps, je ne l'ai pas vu, le frère, machallah, ça me fait plaisir. Moi, je pensais que tous les dhabs, c'était... Le dhab qui est les reylillah, qui est du shirk, c'est quand tu fais un ta'zim pour autre que Allah quand tu fais ton dhab, même si tu dis bismillah. Maintenant, quand tu dis bismillah, c'est l'ibadah que tu fais. Mais là, chèque. Mais cette ibadah, c'est quoi? Elle est tabi'a. Elle suit le fait que tu veuilles... que cette viande-là soit comestible par la suite. Et l'autre, son but, c'est pas de manger de la viande. C'est une partie de ses biens qui soit dépensée pour faire plaisir à Allah. Vous avez compris? Barakallahu fik. Non. Donc, celui qui fait du zabh, ta'ziman li ghayrillah, même s'il dit bismillah, c'est le cheikh akbar. Et celui qui fait un zabh, et qui est nié de tijara ou d'ikram al-zaif, même s'il oublie de dire bismillah, il n'a pas fait de shirk. Hada ou al-lazi akhazna, et vu que les questions ont un peu plus tardé que ce que prévu, ça va arriver à Dalion, Inch'Allah. Fa ila huna, wa alhamdulillah bil alamin.